بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous continuons notre étude de cette risala de son éminence le Cheikh Abdallah Somali Abdallah Ta'ala, dont le titre est attirer l'attention de ceux qui sont doués de raison comme quoi il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation et du doute. Et avec le troisième chapitre, on a al-fasl al-thalit bab itabu ad-dallin ala mudillihim fi yawm al-qiyamah. Et avec le troisième chapitre, dans le fait que ceux qui se sont fait égarer par ceux qu'ils ont suivis, ils vont le reprocher à ceux qui les ont égarés le jour de la résurrection. قال الله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الشيخ pour citer comme quoi ceux qui ont suivi ceux qui les ont égarés vont le reprocher le jour de la résurrection. Il nous cite certains versets. Le premier verset dans surat al-Baqarah, où il est dit que ceux qui ont été suivis ont désavoué ceux qui les suivent quand ils ont vu le châtiment. C'est quand ça, le jour de la résurrection, quand ils ont vu le châtiment, ben ils ont désavoué. Ceux qui ont été suivis ont désavoué leurs disciples qui les ont suivis sur la voie de l'égarement. Et ceux qui étaient les disciples qui ont suivi dans ce bas monde ont dit, si on avait une autre vie, bon, vous vous désavouez comme vous nous avez désavoué maintenant. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il leur montre leurs actes, et que leurs actes c'est un regret pour eux. Maintenant ils sortiront pas du feu de l'enfer. Donc il dit, il est très important que tu saches qui est devant toi, qui tu suis. Parce que hada, tu suis dans l'égarement le jour de la résurrection, et tu désavoues, il ne te reconnaît plus. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Et dans le deuxième verset qui cite ce aussi, nous montre aussi comment d'où ils se blâment les uns les autres. Il est dit dans ce verset, rentrez dans d'autres communautés qui sont passés avant vous parmi les djinns et parmi les humains, rentrer en enfer. Chaque communauté qui rentre, il va maudire sa sœur. Et quand ils y seront ensemble, les derniers qui arrivent vont dire aux premiers, recevra ceux-là, ce sont ceux-là qui nous ont égarés. Dans leur le double du châtiment, il leur sera dit, à tous les deux vous aurez le double du châtiment. Hein? Mais vous ne savez pas. Et la première qui a été suivie a dit à la dernière, hein? Vous n'avez aucun bien sur nous. Hein? Goûtez au châtiment, hein? Par les actes que vous avez faits. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ici de nous citer encore un troisième verset qui va dans le même sens. Hein? Ils comptent, ils vont être le jour de la résurrection, tous devant Allah Azza wa Jal. Quand il y aura, quand l'ange aura soufflé dans le clairon, que tout le monde va être présent. Les uns vont débattre avec les autres. Chacun va se défendre, va essayer de se défendre. Donc les faibles, ils diront à ceux qui étaient remplis d'orgueil, nous vous suivions dans ce bas monde. Est-ce que maintenant vous pouvez faire quelque chose pour nous? Du châtiment, alléger le châtiment pour nous. Hein? Et ceux qui ont été suivis vont leur dire, si Allah nous avait guidés, ben vous serez guidés comme nous. Et maintenant, soit on pleure, on s'alamente, ou soit on patiente, nous avons nulle part où aller. C'est-à-dire le châtiment, on y est. On ne peut plus rien faire. Se lamenter ou patienter, on va subir. Hein? Et Shaitan a dit, quand tout a été décrété, les gens de l'enfer vers l'enfer et les gens du paradis vers le paradis, il a dit, Allah vous a promis la vérité. Et je vous ai promis, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Et j'avais aucun pouvoir sur vous. Tout simplement, je vous ai appelé, vous avez répondu à mon appel. Ne vous prenez pas à moi, prenez-vous à vous-même. Hein? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Hein? Je ne peux rien pour vous, et vous ne pouvez rien pour moi. Je m'écrois en ce que vous m'avez fait pour les choses pour lesquelles vous m'avez associé avant. Et les injustes auront un énorme châtiment. Tu vois que chaque fois que tu suis quelqu'un dans l'égarement, le jour où rien ne sert, le jour de la résurrection, ben ils disent à vous. Ils disent à vous. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses très attention avec qui tu es dans ce bas monde, chez qui tu apprends ta religion, pour que tu ne te trouves pas dans la difficulté le jour de la résurrection. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et l'autre verset qui se cherche ici, il dit, le jour où l'injuste va se mordre les doigts, va se mordre sur sa main et commence à mordre ses doigts, par regret, il dit, si j'avais pris un chemin avec le prophète, c'est-à-dire si j'avais suivi le prophète, malheur à moi, pourquoi j'ai pris tel comme intime et comme ami, il m'a égaré du rappel, après que le rappel m'est venu d'Allah et Shaitan, induit en erreur l'être humain. Mais encore une fois, le verset il te montre que, regarde qui tu suis, avant de le regretter. Hein? وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. Dans l'autre verset, quand ils vont goûter au feu de l'enfer et au châtiment, ils vont dire, si nous avions obéi à Allah et à son messager, Trop tard. Trop tard, le regret ne sert plus à rien. Et ils ont dit, Sevra, nous avons oublié à nos maîtres, à nos grands, à nos nobles, ils nous ont égarés du chemin. Sevra dans leur, le double du châtiment et maudit-les d'une grande malédiction. وقال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Et dans l'autre verset que je cite encore, chers ici, ceux qui ont mécru disent, nous allons pas croire en ce Coran. Il dit, si tu voyais les injustes, quand ils vont être devant Allah, quand ils vont se lamenter, ils vont se reprocher les uns aux autres. Hein? Pourquoi tu m'as induit en erreur, je t'ai suivi, etc. Ça leur sert à rien. Ceux qui étaient faibles vont dire aux orgueilleux, aux grands, etc. Si ce n'est pas vous, nous aurions été des croyants. Et ceux qui étaient orgueilleux dans ce bas monde, diront aux faibles, c'est nous qui vous avons détourné de la guidée et de la voie, après qu'il est arrivé à vous. Non! Vous avez choisi d'être criminel. Vous avez choisi, c'est vous qui avez choisi d'être criminel. Et ceux qui étaient faibles diront à ceux qui étaient remplis d'orgueil, mais c'est vous qui nous embellissez l'égarement, la mécréance, et vous nous ordonnez à mécroire en Allah, qu'on lui fasse des associés, des égaux. Et quand ils ont arrêté de palabrer avec eux et d'argumenter contre eux, à ce moment-là, ils ont senti le regret les remplir. Quand ils ont vu le mensonge, quand ils ont vu les chaînes avec lesquelles ils ont été enchaînés. Hein? Quand ils ont reçu les chaînes autour du cou, et les mécroyants n'auront que le châtiment par rapport aux actes qu'ils ont commis. Donc il faut faire très attention. On ne suit pas n'importe qui. On suit le Mohammed alayhi salam, le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, avec la compréhension et la voix de plusieurs d'Allah alayhi. Tu ne suis pas les égarés, tu ne suis pas ceux qui défendent un parti, une idéologie, etc., sur laquelle n'était ni Mohammed alayhi salam, ni ses nobles compagnons, ni ceux qui les suivent à la perfection. Parce que le jour de la résurrection, tu vas tout regretter. Wa qala ta'ala wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Et dans l'autre verset dit, les uns commençaient à réprimander les autres, et à reprocher aux autres, et à se poser des questions. Et les autres leur disent, hein, c'est vous par votre force qui nous avez induit en erreur. Hein? Les autres leur disent, non, vous n'étiez pas des croyants. Nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Tout simplement, vous êtes des gens qui ont dépassé leurs limites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que les deux soient dans le même châtiment, qu'ils goûtent tous les deux le châtiment. Ils leur disent, nous, on vous a juste appelé, et vous avez répondu à notre appel. Et ce jour-là, le jour de la résurrection, les deux seront associés dans le châtiment. Ils seront dans le même châtiment, tous les deux. وقال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Encore une fois, il est dit dans le verset, voici un groupe qui arrive vers l'enfer. Il leur sera dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Ils disent, à vous, ils se le reprochent les uns les autres. À vous, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est vous qui nous avez appelés vers l'égarement, qui nous avez perturbés, etc. Et ils se tournent, ceux qui ont suivi se tournent vers Allah et disent, oh Allah, c'est eux qui ont fait tout ça. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Double-leur le châtiment. Tout le monde est dans le châtiment. À quoi ça sert hein? وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Et encore une fois, ils essayent à palabrer avec ceux qu'ils ont suivis. Et les faibles, ils disent à ceux qui s'étaient remplis d'orgueil, etc. Nous vous suivions. Est-ce que maintenant, vous pouvez alléger notre châtiment? Est-ce qu'ils peuvent l'alléger, le châtiment de l'Allah? Abadan. Hein? Ceux qui étaient remplis d'orgueil, nous sommes tous dans le même sac. C'est-à-dire, nous sommes tous dans le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a tranché entre les serviteurs. Hein? Voilà. Tu le suis dans ce bas monde, dans l'égarement, dans l'innovation, dans les passions, le jour de la résurrection, il ne peut rien pour toi. Il te désavoue, il ne te connaît plus. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Et il dit, dans l'autre verset, ils disent, ceux qui ont mécru, ils ont dit, souverain, montre-nous ceux qui nous ont induits dans l'égarement parmi les génies et parmi les humains. Nous allons les mettre au plus bas. Nous allons les mettre sur nos chaussures, sur nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Et dans notre verset, celui qui se détourne du rappel du climat, nous allons faire qu'un compagnon shaitan lui soit son compagnon, qu'un shaitan lui soit son compagnon. Et Shayatin détourne de la voix d'Allah. Et il croit. Et quand les gens sont détournés, qu'ils sont dans la voix d'Yal Shaitan, ils croient par l'embellissement d'Yal Shaitan qu'ils sont guidés. Et quand ils arrivent le jour de la résurrection, malheur à moi. S'il y avait entre moi et mon compagnon Shaitan la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Et ce jour-là, rien ne peut y faire. Ils étaient injustes avec eux-mêmes et les deux seront associés dans le châtiment. وقال تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Il dit dans l'autre verset, son compagnon parmi Shayatin lui dit, moi je ne lui ai pas fait dépasser les limites. Mais il était dans un énorme égarement. Allah leur dira, ne vous disputez pas devant moi. Les avertissements, je vous ai averti. Je vous ai envoyé des avertissements. Barakallahu fek, allons, je t'y puis, Inch'Allah. Ah, sallallahu alayk. Yaqulu al-Sheikh Hafidhahullah, fadikru hadhihi al-ayat. وسردها من غير شرح كاف في تحريم مجالسة المضلين من المبتدعة وغيرهم والتلمود على أيديهم والقراءة في كتبهم والسماع لأشرطتهم ومحاضرتهم إلا من أراد الرد عليهم فلا بأس أن يقرأ في كتبهم وأن يسمع أشرطتهم ومن أراد أن يستبين سبيلهم فليقرأ لمن رد عليهم من أهل الحق. الشيخ دودي حفظه الله تعالى j'ai cité ces versets. Je les ai cités comme ça, sans les interpréter, sans les expliquer, parce que dans les versets, ils sont clairs comme quoi il est interdit de s'asseoir avec les égarés, parmi les innovateurs, d'apprendre chez eux, ou d'être leurs élèves, ou de lire dans leurs livres, ou d'écouter leurs cassettes, ou d'assister à leurs conférences. Il dit, celui qui veut leur répliquer, il n'y a pas de mal qu'ils lisent dans leurs livres, mais qui va leur répliquer ? Ce sont les hommes de science, ceux qui ont la science, qui savent faire la part des choses entre le bien et le mal. Pas les novices, pas les débutants comme nous. Donc ceux qui vont lire dans leurs livres et qui vont écouter pour répliquer, ce sont les hommes de science et non pas nous. Et les demandeurs de science confirmés. Hein? Et celui qui veut savoir leur chemin, ben il ne lit pas dans leurs livres. Hein? Parmi les novices, parmi ceux qui viennent d'apprendre, ils doivent lire tout simplement les répliques qu'ont fait les hommes de science pour connaître le chemin des égarés et non pas lire directement dans leurs livres. Il ne faut pas être imbu de soi. وهذا الفصل الرابع يقول تحذير الله ورسوله من أهل البدع وبيان أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. Et le quatrième chapitre, Cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager font l'avertissement contre eux, nous avertissent contre les gens de l'innovation et nous éclairent sur la situation des innovateurs comme quoi ils suivent ce qui n'est pas clair du Coran. Hein? Ils suivent des versets qui portent à confusion. Bien sûr ces versets qui portent à confusion, ils portent à confusion pour certains, mais pas pour les hommes de science. Hein? Abedel. Parce que le Coran il est clair. Hein? Mais il y a certaines choses que le commun, que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais il y a les hommes de science qui ont compris. Hein? Et qui ont hérité cette compréhension d'épuiser d'Allah alayhi. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. J'ai de citer ce verset qui est très clair pour te montrer que ceux qui ont quelque chose dans le cœur, ceux qui suivent leur passion et qui sont déviés, suivent ce qui n'est pas clair, ce qui est confus. Ce verset nous dit ceci, dans la traduction approximative dit « C'est lui qui a descendu sur toi le livre. » Dans ce livre, il y a l'origine qui sont des versets qui sont clairs, qui sont l'origine de tout. Vers lequel tout revient. Leur sens est clair. Il y a d'autres versets qui sont ambigus ou qui se ressemblent dans les sentences, etc. Ou qui, pour certains, ne seront pas compris. Mais pour d'autres, il y a d'autres qui le comprennent. Mais quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui est confus et ce qui porte confusion. Pourquoi ils agissent ainsi? Parce qu'ils cherchent le fitna. Ils cherchent à donner à l'interprétation qu'eux ils veulent, qui correspond à leurs idéologies ou à leurs croyances et à leurs voix. Ne connaissent son interprétation qu'Allah, et ceux qui sont enracinés dans la science disent nous y croyons. Tout vient min Allah Azza wa Jal. Ils ne se rappellent que ceux qui sont doués de raison. Il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas clair dans le Coran. Les hommes de science savent. يقول الشيخ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Dans l'authentique, dans les deux authentiques, chez le Bukhari ou chez l'imam muslim, Aisha Ridwanullah a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset. Et il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quand tu vois ceux qui suivent ce qui est confus dans les versets, ceux-là ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désignés. Il faut que tu fasses très attention à eux. Est-ce que t'as l'avertissement min Allah et t'as l'avertissement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut s'éloigner de ceux qui suivent le confus et qui lui donnent d'autres interprétations qui ne sont pas les réelles interprétations. يقول الشيخ فنحن نذكر أولا أقوال المفسرين عند الآية ثم نذكر بعد ذلك أقوال الشراح عند حديث عائشة. الشيخ de dire nous premier on va citer l'interprétation des hommes de science qui ont interprété le Coran en ce qui concerne le verset. Il a dit après, on citera les interprétations des hommes de science en ce qui concerne le hadith. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند الآية وقال آخرون بل عن الله عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل يتأوله من بعض أي آية القرآن المحتملة التأويل وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. Il nous cite la première parole concernant le verset de l'imam Tabari, rahimahullah ta'ala. Il dit, certains ont dit, ce qui est voulu ici dans le verset, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ici dans le verset, tout innovateur dans sa religion, qui innove quelque chose de nouveau, hein, dans la religion, qui fait un acte, hein, qui innove un acte, qui est contraire avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. Soit pardonnons des fausses interprétations à certains versets auxquels on peut donner plusieurs interprétations. Il dit car Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé à la perfection ce qu'il y a dans son livre, par soit directement dans le livre, soit par la voix de son messager alayhi salatu wassalam. Cela veut dire qu'il y a des versets clairs, et quand il y a un verset qui porte à confusion, tu le ramènes vers le verset clair pour le comprendre. Et s'il n'y a pas, bah la parole du prophète alayhi sallam a donné l'explication et l'éclaircissement du verset. يقول الشيخ ذكر أقوال من قال بذلك من العلماء. Mon cher dit, je cite les paroles des hommes de science qui ont pris cette voie-là et qui ont dit ceci. Que ce qui est voulu avec le verset, ce sont tous les innovateurs de la religion d'Allah. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند الآية السابقة وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر أو زنديق وجاهل وصاحب بدعة وإن كانت الإشارة إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. انتهى كلامه رحمه الله. Et il cite la parole de Al-Qurtubi qui dit, Al-Qurtubi a dit dans son interprétation de ce verset englobe, rentre dedans tous les groupes, mécréants, hypocrites, ignorants, tout innovateur et appelant à l'innovation. Même si ce verset fait allusion aux chrétiens de Jran. Et Qatada a dit, dans son interprétation concernant ce verset, Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, il a dit, si c'est pas le khawarij, il est différent de tendance d'Al Khawarij, je ne vois pas qui c'est. Hein? Et là s'arrête la parole de l'imam Qurtubi rahimahullah. وقال الشوكاني في تفسيره عند آية الباب وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق وقوله فيتبعون ما تشابه أي يتعلقون ما تشابه من الكتاب فيسكتون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق كما نجد كل طائفة من طوائف البدعة فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تعالى تلاعبا شديدا ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et Shaukani de dire, dans son exégète concernant ce verset, dit ce verset englobe tous les groupes qui ne sont pas sur la vérité. Il dit sa parole, ils suivent ce qui est confus, ça veut dire ils s'attachent du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce qui est confus pour faire taire les croyants. Ils le prennent comme preuve pour prouver le faux sur lequel et l'innovation dans laquelle ils sont, qui est détourné de la vérité. Hein? Il dit comme on le trouve dans tous les groupes de l'innovation. Il joue avec le livre d'Allah. Il joue grandement et beaucoup avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils prennent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire véhiculer leur ignorance. Et ils l'utilisent comme preuve là où ce n'est pas une preuve. وأما أقوال العلماء عند حديث عائشة رضي الله عنها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم وفي الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة انتهى كلامه رحمه الله. كنت أقول des hommes de science concernant le hadith de Aïcha رضوانه عليها للإمام النووي رحمة الله عليه dit dans son interprétation de شرح مسلم. Et dans le hadith, il y a l'avertissement comme quoi il ne faut pas se mélanger avec les gens de la déviation, avec les gens de l'innovation et avec ceux qui suivent ce qui est confus pour chercher le fitna. وقال الحافظ في فتح الباري رحمه الله عند هذا الحديث وقوله فهم الذين سمى الله فاحذروهم وفي رواية الكشمي هاني فاحذرهم بالإفراد والأول أولى والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. الحافظ بن حجر dans son interprétation sur l'authentique de Bukhari, il dit concernant ce hadith, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné, fais attention à eux. Il dit dans une version de Al-Kashmihini, il est arrivé aussi par le singulier, fais attention à lui. Hein? Mais le pluriel est plus à mettre en avant. Il dit ce qu'il voulait aussi, c'est de faire très attention à ne pas écouter ceux qui suivent le confus du Coran. ويقول الكلام للحافظ رحمه الله وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكر ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة. Il dit, et cela a apparu, la première fois qu'il a apparu, il a apparu chez les juifs, comme il l'a cité ibn Ishaq, dans leur fausse interprétation qu'ils ont donnée aux lettres qui sont coupées dans le Coran, c'est-à-dire des versets qui commencent avec des lettres. Ils disent que le nombre de ces lettres, c'est l'âge de cette communauté. C'est la fausse interprétation des lettres avec lesquelles commencent certaines sourates des juifs. Ce qui est faux. يقول ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية. Et les premiers qui vont faire apparaître, qui vont être dans la déviation, auxquels il faut faire attention, ce sont les khawarij qui vont apparaître. Jusqu'à ce que Ibn Abbas est arrivé, et jusqu'à ce que Ibn Abbas, ce verset, il a dit que ça concerne les khawarij. Tout le verset, il l'a expliqué par les khawarij. وقصة عمر في إنكاره على صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه أخرجهما الدارمي وغيره انتهى كلامه رحمه الله. Toujours les paroles sont al-Hafid ibn Hajar rahmatullah alayh. Il dit l'histoire de Omar quand il l'a blâmé, il a rejeté ce qu'a fait Sabir et il l'a frappé parce que Sabir est suivi le conflit du Coran. Il posait des questions sur le conflit du Coran et Omar ibn Khattab il l'a frappé sur la tête jusqu'à ce que son coule, jusqu'à ce que le sang coule. Hein? Et les deux histoires, ce que Ibn Abbas et Omar sont chez dans ce nom d'Yad Darim rahmatullah alayhi et d'autres. Et ici s'arrête la parole de l'Hafid rahmatullah alayhi. يقول وقال صاحب عون المعبود عند شرحه لهذا الحديث يعني لا تجالسوهم ولا تكالموهم فإنهم أهل الزيغ والبدع انتهى ملخصا. Et celui qui a interprété, صاحب, celui qui a écrit عون المعبود à l'interprétation de ce verset, il a dit il ne faut pas s'asseoir avec eux, il ne faut pas être en leur compagnie, il ne faut pas leur parler, car ce sont des gens de la déviation et de l'innovation. وقال المبارك فوري في شرحه على سنن الترمذي عند هذا الحديث قوله فاحذروهم اي لا تجالسوهم ولا تكالموهم ايها المسلمون والمقصود التحذير من الاصغاء الى الذين يتبعون المتشابه من القران انتهى كلامه من تحفه الاحودي. اي المبارك فوري رحمه الله عليه من سنن انتربريتاسيون دو سنن الترمذي il dit concernant ce hadith, faites attention à eux, ne vous asseyez pas avec eux, ne soyez pas dans les mêmes assises qu'eux, ne leur parlez pas, vous les musulmans, car ce qui est voulu ici, c'est d'avertir contre le fait de les écouter, et d'écouter ceux qui suivent, ce qui est confus dans le Coran. وَنَأْتِي إِلَىٰ الْفَصْلِ الْخَامِسِ قال باب ما جاء في تعزير أهل البدع بالقتل وبما دونه ومشروعية ذلك للوالي دون غيره من المسلمين. Et on arrive au cinquième chapitre. Il dit ce qui nous a été rapporté, c'est-à-dire les preuves dans le fait, le grand châtiment à donner aux innovateurs et comme quoi il est légiféré au gouverneur de les tuer. À qui c'est légiféré? Pas au commun des musulmans, au gouverneur. Hein? Il n'y a pas d'anarchie dans l'islam. Celui qui met les sentences, c'est le gouverneur. An Ali, radiyallahu anhu, annahu qala إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. Ali Ridwanullah alayhi, il dit, quand je vous parle du prophète alayhi salam, que je tombe du ciel, vaut mieux pour moi que de mentir sur le prophète alayhi salam. Ça veut dire que quand je vous dis que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, c'est véridique. Ridwanullah alayhi. Il dit, quand je parle entre moi et vous, hein, la guerre c'est une ruse. La guerre c'est une ruse. Il dit, j'ai entendu du prophète alayhi salam dire, à la fin des temps va arriver des jeunes insensés, pas de science et insensés, qui vont dire de la meilleure des paroles, la meilleure parole des créatures. Ils vont parler des bonnes paroles. Mais ils vont sortir de l'islam comme traverse la flèche du gibier qui l'atteint. Leur foi ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ça reste au niveau de la parole. Là où vous les trouvez, combattez-les. car il y a dans le fait de les combattre une énorme récompense le jour de la résurrection. Pour celui qui les combat, il a une énorme récompense le jour de la résurrection. Il parle de qui ici? Khawarij. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المشاجعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعرقم بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وفي رواية لا أقتلنهم قتل تمود رواه البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث لشي الإمام البخاري وشي الإمام مسلم أدي علي رضوان الله عليه أنفوي أن بو دور à le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a partagé entre eux, quelques personnes, quatre personnes. L'Aqra ibn Habis al-Hamdali, Tumma al-Mujashi'i, wa Uyna ibn Badr, Fizari, wa Zayd al-Ta'i, Tumma Ahad Bani Nabhan, et Irqim ibn Ilatat al-Amiri, et un certain de Bani Kilab, et Quraysh s'est mis en colère. Quraysh et l'Ansar se sont mis en colère. Ils ont dit, ils donnent aux têtes de Najd. Il ne laisse, il ne donne rien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je les prends en, leur a répondu, je les prends en sympathie. C'est-à-dire que, puisque, hein, et c'est une sagesse de la part du prophète, puisque ce sont des têtes. Hein, donc, Huma, quand ils vont être bien dans l'islam, ça veut dire que toutes leurs tribus vont leur suivre. Parce que c'est des gens qui sont les leaders. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les prend en sympathie. Et il atteint leur cœur, on les honore ainsi par ses donations. Un homme dont les yeux sont enfoncés et le regard, tu vois, hein, crispé, etc. Et rase la tête complètement rasée, grosse barbe, etc. Il a dit, Kha Allah ya Muhammad. Ainsi il a parlé au prophète, alayhi salatu wasalam. Kha Allah ya Muhammad. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui oublie Allah? Si moi je dis oublier Allah, qui va lui oublier? Allah, il me fait confiance pour les gens de la terre, et vous, vous ne me faites pas confiance. Allah, il me fait confiance pour les gens de la terre, et vous, vous ne me faites pas confiance. Et un homme a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'il peut tuer cette personne qui a parlé ainsi. Et le rapporteur du hadith dit, je crois que c'est Khalid ibn al-Walid. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit, lui a dit non. Quand cet homme est parti, il a dit, il va y avoir des gens de la même catégorie de celui-là, qui vont être sur la même voie, la même tendance que celui-là, qui vont lire le Coran, et le Coran ne va pas dépasser leur gorge. Ils vont sortir de la religion comme sort la flèche du gibier quand ils le traversent. Ils vont tuer les gens de l'islam, ils vont laisser les gens qui adorent les statues. Si je vis à leur époque, je vais les combattre. Il est tué comme a été tué Ad. Et dans une autre version, je vais les combattre comme a été combattu Thamoud. Hein? Tu vois? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous avertit contre eux, les gens de leur vie. Et regarde, comment, qu'est-ce qu'il a dit? Les combattre. Hein? Et qui parle ainsi? Celui qui a été clément, a envoyé clémence pour l'humanité. Hein? Celui qui a été envoyé comme clémence pour l'humanité. Pourquoi? Parce que les gens de l'innovation, ils font très mal à la communauté. Très très mal. Et ça va très loin. D'une innovation, ici ils font couler le sang. Rappelez-vous l'histoire. Des groupes dans la mosquée Al-Koufa. Dans chaque groupe, il y a des gens autour, ils forment un cercle, ils ont des pierres au milieu, il y a un chef au milieu qui leur dit, dites Allahu Akbar 100 fois, à haute voix. Ils disent, hein, synchronisé. Il y a un autre groupe, et il dit, dites 100 fois Subhanallah, et ainsi de suite. Ces gens-là qui étaient là, le rapporteur du hadith dit, la majorité d'entre eux ont pris les armes contre Ali lors de la bataille de Nahrawan. C'est pour ça que les avertissements sont beaucoup plus forts concernant les innovateurs que ceux qui sont dans les péchés. Parce qu'ils détruisent la religion. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم متى خرجوا وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم. قاضي عياض كما رapporté dans l'interprétation de شرح Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a dit, les hommes de science sont sur l'unanimité que contre les khawarij et ceux qui sont, qui leur ressemblent et qui sont dans la même tendance qu'eux, se révoltent et sont en divergence avec l'opinion et la position du groupe et qu'ils coupent la communauté en deux, hein, et qu'ils lèvent le drapeau de la divergence, que le fait de les combattre est obligatoire. Après les avoir avertis, il est obligatoire de les combattre. قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. Il cite le verset. Guarda que non, assieds-toi. Al-Klafik, c'est une salle un jour, il va devenir autre chose. C'est pas un majid. C'est pas un majid. Là, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Des jeunes l'ont appelé de Paris. Lui ont dit, on a la municipalité qui nous prête une salle. Et ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut l'encore? Il a dit non. Parce qu'une masjid, il ne doit pas changer. Had la salle a dit, un jour il va devenir une salle de ping-pong. Tu ne sais pas ce qu'il peut devenir après. Hein? Et le masjid, c'est un waqf. Donc il est dit dans le verset فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. C'est-à-dire, combattez celle qui dépasse ses limites, qui devient injuste jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول القاضي عياض لكن وعليكم السلام لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسراهم ولا تستباح أموالهم. Mais quand le combat est levé contre le Khawarij, on ne tue pas, on ne s'acharne pas sur leurs blessés. On ne suit pas ceux qui se sont sauvés parce qu'ils ont été vaincus, on ne les suit pas. Leurs prisonniers ne seront pas tués et on ne rompt pas les sites leur sang. قال مالك رحمه الله إلا أن يخاف منهم عودة فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة وأدعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم حكمهم حكم غيرهم من المسلمين. Et l'imam Malik rahmatullah alayhi dit, sauf si on a peur qu'ils reviennent, qu'ils prennent des forces et qu'ils reviennent, à ce moment-là, on combat leurs blessés et on suit ceux qui se sont sauvés, hein? Et tant qu'ils ne se sont pas révoltés et qu'ils ne sont pas en divergence avec le groupe et qu'ils se soumettent aux lois du groupe et aux lois du gouverneur, leur jugement est comme le jugement des autres musulmans dans la communauté. تجري عليهم الحقوق على وجهها ويشتد في عقوبة من أصر على بدعة. Et ils ont les mêmes droits que les autres, hein? Et là, le châtiment va être sévère au celui qui s'entête dans son innovation. على اختلاف بين العلماء في الاقتصار على هذا أو يقتلون وأبى الشافعي من استتابة القدرية منهم. Et il y a une divergence entre les hommes de science, fait que ce suffira ça, ou alors les combattre ou les tuer. Et Shafi'i a refusé le fait de demander de faire repentir la Qadariya, ceux qui disent qu'il n'y a pas de destin. Ça, rapporté dans l'interprétation de Sahih Muslim. Et ce sont les paroles de Qadariya qui a rapporté l'imam Nawawi, rahmatullah alayhi. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع العلماء النووي رحمه الله عليه dans l'interprétation de l'authentique du مسلم quand vous les rencontrez combattez-les ça il dit c'est une déclaration claire comme quoi il est obligatoire de combattre les خوارج et de combattre ceux qui ont dépassé les limites, qui sont injustes. Hein? Et ça, c'est l'unanimité des hommes de science. وَقَدْ جَاءَ أَنَّ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَحْرَقَ بَعْدَ غُلَاتِ الرَّوَافِضِ Il nous a été rapporté comme quoi Ali radhiyallahu anhu a brûlé certains extrémistes parmi Rafida. قَالَ الْحَافِضُ فِي الْفَتْحِ وزعم أبو المظفر الإسفرياني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة كما رابورتي بار الحافظ بن حجر رحمة الله عليه دون الفتح أدي أبو المظفر الإسفرياني أبريتوندو دون سون ليفر الملل والنحل que ceux que Ali radhiyallahu anhu a brûlé, c'est une partie parmi les Rawafid qui ont prétendu la divinité en Ali radhiyallahu anhu. Et cela, c'est ce qu'on appelle Saba'iyya. Leur grand, c'est Abdullah ibn Saba', le juif, le fils de la noire, qui s'est converti à l'islam pour détruire de l'intérieur. Et qui a montré aux gens qu'il est musulman, etc. Et il a innové cette parole. C'est-à-dire le fait comme quoi Ali est un dieu. الله سبحانه وتعالى السلام والعافية يقول هذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامر عن أبيه قال قيل لعلي بن أبي طالب il dit et ça peut être l'origine de ce que nous avons rapporté dans le troisième tome du hadith d'Abi Tahir المخلص de la voix d'Abdullah ibn Sharik al-Amiri de son père qui a dit il a été dit à Ali ibn Abi Talib inna huna qawman ala bab al masjid yadda'una annaka rabbahum a dit à Ali radhiyallahu anhu derrière là devant la porte de la mosquée il y a des gens qui prétendent que tu es leur souverain fada'ahum faqala lahum waylakum ma taqulun il les a appelés il leur a dit malheur à vous qu'est-ce que vous dites قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون إن أطعت الله أتابني إن شاء وإن عصيت خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا فأبوا إيه اللغة دي اللي يوندي tu es notre souverain tu es celui qui nous a créé. Quand on les a rentrés chez Ali, il leur a dit, qu'est-ce que vous dites ? Malheur à vous, qu'est-ce que vous dites ? Il dit, tu es notre souverain, tu es celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la subsistance. Il leur a dit, malheur à vous, je ne suis qu'un serviteur d'Allah, je suis comme vous, je mange, je bois, comme vous buvez, comme vous mangez, comme vous buvez. Hein? Si j'oublie Allah, Inch'Allah, il me récompensera. Et si je dis oublie Allah, j'ai peur qu'il me châtie. Craignez Allah, revenez de cet égarement dans lequel vous êtes. Ils ont refusé. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَوْ عَلَيْهِ فَجَاءَ قُنْبُرْ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ الْكَلَامِ Et le lendemain matin, ils sont revenus. Et Qunbur, son serviteur, était là, il est rentré, il a vu Ali, il lui a dit, ils sont revenus, ils disent la même chose encore. فقال أدخلهم فقالوا كذلك. Il les a fait rentrer. Ils ont répété le même égarement. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبة قتلة. فأبوا إلا ذلك. Et le troisième jour, quand ils lui ont ramené, ils sont rentrés. dit, si vous refusez de revenir et vous dites la même chose, je vais vous tuer d'une impure tuerie. Ils ont refusé. فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مع مرورهم فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال احفروا فأبعدوا في الأرض وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحكم أو ترجعوا فأبوا أن يرجعوا فقذف فيهم فيها حتى إذا احترقوا قالوا إني إذا رأيت أمرا منكرا أو قدت ناري ودعوت قنبرا إيه le troisième jour ils sont arrivés, ils ont refusé. Il a dit à Qunbur, hein, il a donné l'ordre qu'on creuse un fossé entre la, sa résidence, entre là où habite Ali Ridwallah Alayh et la mosquée, et d'y mettre beaucoup de bûchers, hein. Et il leur dit, si vous refusez de revenir de cet égarement dans lequel vous êtes, je vais vous jeter dedans. Ils ont refusé, ils ont préféré être jetés, hein. Et Ali disait ce poème, il dit, quand j'ai vu que la situation était blâmable, la limite, c'est-à-dire l'associationnisme, de dire que Ali, la mécréance, il a dit, j'ai allumé le feu et j'ai appelé Qunbura. Et Huma, parmi, ils ont tellement insensé, que quand il les a jetés dans le feu, ils disent, mais on a la certitude sur toi que tu es notre souverain, parce que ne châtie avec le feu qu'Allah, a'oudou billah. À tel point, l'innovateur, comment il devient insensé. Hein? Ce chapitre-là ici, Cheikh, il le ramène pourquoi? Pour te prouver que le gouverneur, il a le droit de donner l'extrême sentence aux innovateurs. Mais ça n'appartient qu'au gouverneur. Ça n'appartient pas au commun du musulman. Hein? Il dit le Cheikh, وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِنْتَهَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ وغيرهم من غلاة أهل البدع فأما الخوارج فالجمهور على عدم تكفيرهم إلا العجاردة الذين أنكروا صورة يوسف وقالوا إنها غزل ويستدل للجمهور ما جاء في كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي بسند صحيح Les hommes de science sont en divergence sur le fait de rendre mécréant le khawarij et certains extrémistes parmi les gens de l'innovation. Quant à Al-Khawarij, Jumhur, grande partie des hommes de science, voient le fait qu'ils ne sont pas mécréants, sauf un groupe qui s'appelle l'Ajarida, ils n'existent plus maintenant, qui n'ont pas reconnu la sourate de Yusuf, parce qu'ils disent que la sourate de Yusuf, c'est de la drague. Donc ils ne l'ont pas reconnu. Hein? Et la grande partie des hommes de science prennent comme preuve, comme quoi, pour ne pas rendre mécréant le Khawarij, ce qui est rapporté par le Mrawazi dans son livre Ta'dim Qadr Salat, avec une chaîne de transmission authentique. Qal, haddatana Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim, akhbarana Yahya ibn Adam, haddatana Mafdal ibn Muhalhal, an Shaybani, an Qais ibn Muslim, an Tariq ibn Shihab, قال كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له أمشركونهم قال من الشرك فروا فقيل منافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم دون تعظيم قدر الصلاة محمد المروزي avec une chaîne de transmission authentique nous a été dit par Ishaq ibn Ibrahim que Yahya ibn Adam l'aura annoncé que Mufaddal ibn Muhalhal l'aura dit du Shaybani, du Qais ibn Muslim, du Tariq ibn Shihab. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission d'un hadith ou d'un athar. Et la chaîne de transmission, c'est l'arbre généalogique des livres. Hein? C'est avec les chaînes de transmission que les hommes de science arrivent hein, à savoir est-ce que c'est valide. Hein? Ils font les têtes de la. Et la chaîne de transmission, c'est une particularité de cette communauté avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré cette communauté. Ce qui fait que les paroles du prophète alayhi sallam sont authentifiables hein, jusqu'à nos jours. Les hommes de science dignes du nom, hein, Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de la science, du livre d'Allah, de l'authentique de la sunna, plus la science des hommes. Hein, pour sortir le faux et tout ce qui est mensongère, tout ce qui peut être inventé sur le prophète et ne laisser que ce qui est véridique. Donc, et les hommes de science disent que la chaîne des de transmission, c'est la généalogique des livres. C'est pour ça beaucoup de livres, comme la Sunna de Awsul Sunna l'Imam Ahmed, il a une chaîne de transmission. Quand il prend le Muwatta de l'Imam Malik, au début, tu as une chaîne de transmission. Et il dit ça, c'est l'arbre généalogique du livre. Hein? Et les orientalistes et les mécréants sont très jaloux de cette. Et tous les ennemis d'Allah sont très jaloux de cet arbre généalogique, de la chaîne de transmission. Le Coran, tu peux avoir, tu lis chez ton shir maintenant, et t'as ta chaîne de transmission qui te remet directement à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à la Torah ou à l'évangile, etc. C'est pas possible que tu y arrives. Et l'Atar ici que rapporte le Marwazi dit, j'étais chez Ali quand il a terminé de la bataille de Nahrawan et on lui a dit, est-ce que ceux que tu as combattu c'est des associateurs? Ce sont des Khawarij. Il a dit, ceux-là ils se sont sauvés de l'associationnisme. On lui a dit, c'est des hypocrites alors? Il a dit, non, les hypocrites n'invoquent pas Allah beaucoup. Parce que les Khawarij, ils invoquent Allah beaucoup. Ils prient beaucoup, ils lisent beaucoup le Coran. Il a dit, dans ces cas-là, c'est qui ces gens-là? Il a dit, ce sont des injustes. Hein? Des gens qui ont dépassé la limite vis-à-vis de nous et qui étaient injustes vis-à-vis de nous. Il hein? a dit, le Cheikh Abdullah Ta'ala, Qultu, Faïda alimta anna l'ulama ajma'u ala qitali ahli al-bida'a, idha khalafu al-muslimin, wa kharaju an ta'ati l'imam, wa arafta anna ahli al-bida'a ajma'u ala al-saif, كما ثبت عن أبي قلابة أنه قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. انظر سنن الدارمي. الشيخ دو ديخ حفظه الله تعالى جدي. Quand tu sais que les hommes de science sont à l'unanimité sur le fait comme quoi qu'il faut combattre, qu'il faut tuer les gens de l'innovation, quand ils sont en divergence avec le groupe des musulmans, la communauté des musulmans et leur gouverneur, tu sais que ils sont à l'unanimité, les hommes de science, sur le fait de prendre l'épée contre les gens de l'innovation. Comme il nous a été confirmé de Abi Qallabata qu'il a dit, chaque homme, et tu as su aussi, plutôt, que les gens de l'innovation sont sur l'unanimité de prendre l'épée contre eux, les gens de la Sunna. Comme ils l'ont fait avec qui? Ali Ridwallah Ali. Il y avait le compagnon avec. Et ça, c'est les gens qui étaient dans le cercle, certains parmi eux étaient dans les cercles d'innovation dans lesquels il y avait l'innovation de l'invocation en groupe. Beaucoup parmi ceux qui étaient dans ces cercles-là se sont retrouvés de l'autre côté à combattre Ali et les compagnons du prophète. C'est pour ça que les hommes de science disent, tu sais maintenant que les gens de l'innovation sont sur l'unanimité de prendre l'épée contre eux, les gens de la Sunna, comme il a été confirmé d'Abi Qallabata qui l'a dit. Chaque homme qui innove une innovation, pour lui, c'est normal et c'est licite de prendre l'épée contre les autres. Hein? Et les événements d'Algérie ne sont pas très loin. Hein? Ce n'est pas l'innovation d'Yel Khawarij et d'Yel Khawarij renouvelée. C'est simplement qui a fait que certains ont pris les armes contre leurs frères musulmans d'Algérie. Et les situations ne cessent de se répéter. Hein? يقول الشيخ فكيف يجوز لك أن تدرس عند من كان هذا حالهم الشيخ nous pose la question comment maintenant il t'est permis de d'étudier chez les gens qui sont dans cette situation là يقول والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين il dit alors que Allah سبحانه وتعالى il dit hein? N'allez pas vers votre perte, ne vous jetez pas dans la perte vous-même. Et faites bien les choses, soyez perfectionnez les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants et ceux qui perfectionnent les choses. Quoi de plus dangereux que d'aller étudier chez un innovateur? Certains de nos jeunes, dans certaines régions de Bretagne reculées là-bas, ils vont s'asseoir chez un bladaniste confirmé. Ils le savent. Et je prends le Coran. Et je ne sais pas comment certains d'autres frères leur ont conseillé, il n'y a pas de problème, il n'y a que lui, vous pouvez y aller. Vas-y. Tu vois, il va sortir indemne, hein, il ne sortira pas indemne. Il sera toujours dans le trouble. S'il ne gobe pas les idées d'Yel Khawarij, ben il sera toujours dans le trouble. Sinon, il va les gover un jour ou l'autre, il deviendra comme eux. ويقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Il est dit dans le verset, préservez-vous d'une fitna qui ne va pas arriver à ceux qui ont fait mal, tout simplement, ceux qui ont été injustes, tout simplement. Hein? Et sachez que Allah, subhanahu wa ta'ala, son châtiment est douloureux. يقول الشيخ وأقوال الأئمة في تعزير أهل البدع كثيرة جدا. فنختم الباب بقول الإمام الأجر رحمه الله قال في كتاب الشريعة باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء. Et, cher de dire, les paroles des hommes de science, dont le fait de donner le châtiment et d'être sévère avec les gens de l'innovation, sont nombreuses. Il dit, et ce chapitre, je le conclue avec le fait, avec cette citation de la parole de Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, dans son noble livre, qui est Kitab Sharia. Et le chapitre, le châtiment du gouverneur aux gens des passions qui suivent leurs passions. Les gens qui suivent leurs passions et les innovateurs, c'est la même chose. Qala Muhammad ibn Hussein, رحمه الله يعني نفسه ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة فمن استحق منهم أن يقتله قتله ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك ومن استحق أن ينفيه نفاه وحذر منه الناس انتهى كلام الأجوري رحمه الله. محمد بن حسين رحمه الله كي الأجوري دي il est du devoir de l'imam, du gouverneur, du musulman et de ses princes et de ses lieutenants, hein, dans tout pays, de ses subordonnés, ceux qui ont le pouvoir dans tout pays, quand ils savent que quelqu'un, il est sur une innovation et qu'il montre cette innovation, il faut qu'il le châtie d'un châtiment sévère. Et celui parmi ces innovateurs qui mérite le fait d'être tué, qu'il le tue. Et celui qui mérite de recevoir des coups, qu'il lui donne les coups. Et celui qui mérite d'être, de rentrer en prison, qu'il le mette en prison. Et celui qui mérite qu'il soit dénigré par tout le monde, qu'il lui fasse. Hein? Et celui qui mérite d'être exilé, qu'il l'exile. Et d'avertir les gens contre eux. Ah, dans la position du puiseur d'Allah. Mais encore une fois, ça, ce sont les gouverneurs qui doivent le faire. C'est-à-dire que ceux qui sont dignes parmi les hommes de science, donnent le dossier. Celui-là, c'est un danger pour la religion des gens. Celui-là, c'est un danger pour la voix et les croyances des gens. Et le gouverneur remplit son devoir, soit la sentence de mort, soit s'il mérite la prison, soit, etc. وفي الباب قصة عمر بن الخطاب مع صبيغ وستأتي مفصلة إن شاء الله. Et à ce niveau-là, il y a l'histoire de Omar ibn al-Khattab avec Sabir. Il va arriver avec nous en détail ce soir, Inch'Allah. Hein? On va chercher ici, à la fin de ce moment, comment il est permis que tu ailles étudier. Hein? Il faut faire très attention. Hein? On maîtrise rien de la langue. On maîtrise rien des fondements de la religion. On maîtrise pas les... ceci, etc. Et on va... Hein? On va s'asseoir et on donne notre cœur et nos oreilles et notre cœur à un innovateur. Là, il faut que tu fasses très attention. Il en va de ta religion. Et donc ça, on vient de terminer le cinquième chapitre, était concernant les preuves comme quoi, hein, que le gouverneur a le droit de châtier les innovateurs. A le droit, le gouverneur a le droit de le châtier, même de les tuer s'il mérite le fait d'être tué. Wa nahnu ma'a al-bab al-khamis ou al-sadis. Al-bab al-sadis. Tahrim takthir sawad al-fitan. Et nous sommes avec le sixième chapitre. Il est interdit d'augmenter le nombre des gens de la fitna. Les gens de l'innovation. C'est des fitanin en premier. Ils te fitanent dans ta religion. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الشيخ غامين ici un verset dans lequel il y a un énorme blâme pour celui qui reste avec les associateurs, avec les gens de la fitna, etc. Ceux, quand les anges de la mort viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes avec eux-mêmes, il leur sera dit, où vous étiez-vous? Nous étions des faibles sur terre. Il leur sera dit, la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous y immigrez. Hein? Cela leur demeure sera le feu de l'enfer. قال الإمام البخاري في صحيحه باب من كره أن يكتل سواد الفتن والظلم. الإمام البخاري dit chapitre ceux qui détestent le fait d'augmenter le nombre des gens de la fitna et de l'injustice. عليكم السلام. قول حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود قال وقال الليت عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكتلون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الإمام البخاري dans ce chapitre où il est détesté, où il a dit chapitre, il est détesté d'augmenter le nombre des gens de la fitna et de l'injustice. Il cite ce hadith. Après la chaîne de transmission, il est dit dans le hadith, il y avait un groupe qui devait se constituer pour aller combattre les gens de Médine. Et Layt Abil Aswad plutôt a dit que il y avait un groupe qui devait se constituer pour aller combattre les gens de Médine, c'est-à-dire de la Mecque vers Médine. Donc, c'est une armée d'associateurs, de Quraysh. Il s'y est inscrit. Et lui, il est converti déjà. Il s'y est inscrit, radiallahu anhu. Et sur le chemin, il a rencontré Ikrima. Il lui a annoncé ce qu'il allait faire. Et Ikrima lui a interdit fortement d'y être. Il lui a dit, Abdullah ibn Abbas nous a annoncé que des gens parmi les musulmans étaient avec les associateurs. Ils grandissent le nombre des associateurs devant le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils augmentent le nombre des associateurs. Et une fois la flèche, il part du camp des musulmans et il atteint ce musulman qui est dans cette armée. Et il meurt. Ou ça le touche, ça le frappe, ça le blesse, etc. Et il est descendu ce verset. Ceux que les anges viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. De là, les hommes de science, regarde, l'imam Bukhari, il a clair, voyons ce que Allah lui a donné, comme quoi il n'est pas permis, qu'il est détestable de augmenter le nombre des gens de la fitna, des innovateurs et des injustes, etc. قال الحافظ عند الحديث وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكه. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit concernant l'interprétation de ce hadith, il y a dedans le fait comme quoi il est dans l'erreur celui qui réside parmi ceux qui sont dans la désobéissance. Il a choisi par son choix, il a choisi pas pour un but de les blâmer ou il espère pas sauver des musulmans du fait d'être de périr. وقال وأن القادر على التحول عنهم لا يعدل كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. إيه يلدي رحمه الله تعالى celui qui est capable de changer de lieu, il n'a aucune excuse. Il n'a aucune excuse. Comme ce qui est arrivé à ceux qui se sont convertis à l'islam et les associateurs les en ont empêchés de leur famille et d'immigrer. Et ils sortaient avec les associateurs, non pas pour combattre dans le but de combattre les musulmans, mais pour tout simplement pour donner l'illusion comme quoi les associateurs sont nombreux. Et ils ont été réprimandés avec ça. Le verset est venu les blâmer. Il reprochait cette situation-là. يقول فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأتم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك ويتأيد ذلك في عكسه بحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. Il dit, rahimahullah, et Ikrima a vu que le fait de sortir dans une armée qui combat les musulmans, même si lui il ne combat pas, ben il est dans le péché. Même s'il n'a pas l'intention de combattre, il est dans le péché. Il dit, cela se renforce avec le hadith qui est dans le livre d'Irriqaq, ce sont les gens, celui qui ont leur compagnie, ben, il ne sera pas attristé. Qui sont ces gens-là? Les vertueux. Celui qui est en leur compagnie. Il ne sera pas attristé. Il n'aura que des bonnes choses à recevoir. Mais celui qui est dans le sens contraire, il va se mordre les doigts. Il va le regretter. يقول واعتبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله هذه المسألة من الكبائر لما ذكرها في كتاب الكبائر فقال رحمه الله باب تكتيل السواد في الفتن. Il dit, حفظه الله تعالى, et Cheikh l'Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى النجدي, ce point là et ce sujet là il l'a considéré parmi dans son livre, le livre des péchés capitaux, comme un péché capital. Chapitre, le fait d'augmenter le nombre au moment des fitnas. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا, رواه مسلم. وذكر حديث ابن عباس المتقدم ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لكن من رضي وتابع انتهى. إيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه de citer dans ce chapitre où le chapitre fait comprendre comme quoi t'as pas à augmenter les gens de la fitna. Il dit Abu Hurayra رضي الله تعالى عنه a dit celui qui porte les larmes contre nous, il n'est pas sur la même voie que nous. Il est rapporté par l'imam muslim. Et il a cité aussi le hadith d'Ibn Abbas. Il a dit, sauf celui qui agrée et qui suit. Il agrée la situation, il suit dans ce chemin-là. يقول الشيخ قلت فمن جلس مع صاحب بدعة سواء جلس عنده لقصد الدراسة أو لقصد آخر فأصابته سهام أهل السنة فلا يلومن إلا نفسه ولا يعذر فإنه قادر على التحول من عنده والله سبحانه وتعالى أعلم. الشيخ عبد الله الصومالي دونديغ est celui qui s'assoit avec un homme de l'innovation, il y a un enseignant de l'innovation, il y a un da'i de l'innovation, soit pour apprendre chez lui, soit pour un autre but, et que les flèches des gens, la sunna, l'atteignent, c'est-à-dire les critiques, les avertissements de la sunna sont contre lui, qu'il ne se prend qu'à lui-même. Il n'a aucune excuse. Il est capable de ne pas rester avec eux et de changer de place et de ne pas rester avec eux. Et il dit gloire à Allah, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. قال الباب السابع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et le septième chapitre dit l'obligation d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Quoi de plus grand mal qu'une innovation dans la religion. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Il dit dans le verset qu'il existe, il doit exister parmi vous une communauté qui appelle vers le bien. Hein? Et qui ordonne le bien et qui interdit et qui blâme le mal, ceux-là ce sont ceux qui vont réussir, ceux qui ont la réussite. Et il est dit dans l'autre verset wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Il est dit dans l'autre verset plus cité cher ici. Pour te montrer qu'il est obligatoire d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre ont cru, ça aurait été mieux parmi eux. Il y a certains parmi eux qui sont croyants et d'autres qui sont pervers. Les deux versets là, frère en Allah, Azzawajal, on est passé dans un passage où il est dit que les ondes de l'innovation mettent les versets là où il ne faut pas. Ils les utilisent comme preuve. À ton avis, qui utilise ces deux versets? Ils les utilisent là où il ne faut pas. Hein? Ça veut dire pour eux, regarde l'interprétation qu'ils donnent. Quantum khaira ummat, c'est-à-dire vous, Allah il vous a fait exister, il vous a fait sortir. Vous devez sortir, le khuruj. Hein? Et ceci, c'est une fausse interprétation. Ça ne va même pas avec la construction de la phrase. Et ces deux versets-là, ils sont-ils utilisés par Tablir pour prouver quelque chose qui n'existe pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour des actes qui sont une innovation, la déformation totale. Et dans l'autre verset, qu'est-ce qu'il dit ? Amma. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. On a ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui est confus. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le fitna et parce qu'ils cherchent à lui donner l'interprétation que eux ils veulent. Sallallahu subhanahu wa ta'ala tabat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afir. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Dans l'autre verset, accepte le pardon, hein, et ordonne le bien, et détourne-toi des ignorants. Détourne-toi des ignorants. Wa qala ta'ala laysa sawa min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allah wa hum yasjudun. Il est dans l'autre verset que, hein, ils ne sont pas égaux. Il fait partie des gens du livre, une communauté qui accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui récite les signes les versets d'Allah et qui se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim falladhina aamanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaa'ika humul muflihun. Et il est dit dans l'autre verset, ceux qui suivent, c'est-à-dire parmi les gens du livre, ceux qui suivent le messager, prophète et lettré, ils trouvent écrit, son nom est écrit dans la Torah, dans l'évangile. Il leur ordonne le bien, il leur interdit le blâmable et le mal, il leur rend et les cite ce qui est bon, ce qui est pur, il leur interdit ce qui est impur, ce qui n'est pas bon, et il leur allège les situations difficiles. dans lesquels ils étaient auparavant. Ceux qui ont cru en lui, qui l'ont fait triompher, qui l'ont respecté, qui l'ont suivi, et qui ont suivi la lumière qui lui a été descendue, ceux-là seront ceux qui réussissent et ceux qui sont dans la réussite. Dans le verset du témoignage, Ya'amuruhum bil ma'ruf, il leur ordonne le bien. Donc il est obligatoire d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Wa qala ta'ala hakiyan 'an Luqman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi de Luqman, le sage Luqman. Ô fiston, quand il parlait à son fils, ô fiston, accomplis la prière, ordonne le bien et blâme le mal. Et patiente sur ce qui va t'arriver et ce qui t'arrive, car ceci fait partie de la ferme résolution dans les situations. Et les versets concernant ce sujet, fait de blâmer le mal et d'ordonner le bien, sont nombreuses. Mais celui qui doit ordonner le bien et blâmer le mal, dans le fait qu'il ordonne, il ne doit pas en dire ou interdire un mal, il ne doit pas en découler un mal plus grave. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire. Il doit le faire avec science et avec sagesse. Et selon les règles de la sunna. Et selon les règles de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. وأما الأحاديث فعن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. كنت حديث يعني حديث دو rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim de Ubadah ibn al-Samit, il a dit nous avons fait l'allégeance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir dans les anses et dans les difficultés, et que on ne combat pas les gens pour leur situation, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le pouvoir des gouverneurs, on ne va pas les combattre, les situations qui sont dans les mains de certains qui en sont dignes, on leur laisse leur situation, on ne va pas les concurrencer ni se révolter contre eux, et qu'on doit dire la vérité où nous sommes et qu'on craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول كذلك عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا رواه مسلم. أم سلمة دونير الرسول صلى الله عليه وسلم dit il va y avoir des gouverneurs, ces gouverneurs vous allez reconnaître certaines choses qui sont bien et vous allez pas, et d'autres choses ne seront pas bien. Celui qui est reconnu, qui sait que ça c'est pas bien, il s'en éloigne, ça y est, c'est son devoir, il a accompli son devoir. Et celui qui blâme, il est épargné aussi. Mais celui qui agrée, qui suit dans le mal, il a crainte pour lui-même. Et ils disent, est-ce qu'on ne prend pas les armes contre eux? Contre qui? Contre ces gouverneurs-là. Et non, vous ne prenez pas les armes contre eux, tant qu'ils font la prière. Tant qu'il prie, prenez rien du tout. Et c'est pas n'importe qui doit décréter quand est-ce qu'il faut prendre les armes. L'air à l'islam, ceux-ci, ce sont les hommes de science. Les dînes de la communauté, c'est eux qui voient où est l'intérêt de la communauté. Quand nous vivons comme nous, on reste derrière les paroles des hommes de science et on ne s'immisce pas dans ce qui ne nous regarde pas. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من رأى منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الحديث للشيء الإمام مسلم أو أبي سعيد الخدري أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال celui qui voit un mal qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et ça c'est le plus bas degré de la foi. Et encore une fois avec la main, ce n'est pas nous de le faire, c'est le devoir et le domaine des gouverneurs. On ne s'immisce pas. Nous, quand est-ce qu'on peut faire avec notre main? Chez nous, à la maison, On peut éduquer, donner des leçons à nos enfants, etc., etc. Hein? Et encore, quand vous êtes dans certains pays ici, vous devez faire encore plus attention. Parce que si le gamin, il arrive avec un bleu sur ses cuisses, vous allez voir après. Donc, même ici, vous ne pouvez même pas blâmer. Hein? Vous ne pouvez même pas donner la correction adéquate à l'enfant. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. C'est pour ça que Cheikh il a dit qu'il n'est pas permis d'augmenter le nombre des gens de la fitna. Et quoi plus grande fitna que d'augmenter le nombre des gens dans le pays de la mécréance. Sallallahu subhanahu wa ta'ala fitna wa iyakum. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم aussi dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari l'imam Muslim attention ne vous mettez pas sur les routes sur les chemins des gens ya Rasulullah on peut pas faire autrement là on se rencontre on discute un peu et dit si vous refusez et vous voulez rester sur les chemins vous donnez le droit au chemin vous donnez le droit à la route c'est quoi le droit de la route tu baisses le regard tu chasses au niveau de ton regard tu regardes parce que Allah subhanahu wa ta'ala est interdit et tu fais pas de mal aux passants et tu rends le salam et tu ordonnes le bien et tu interdis le mal ça c'est le droit de la route on fait le contraire il y a le jeune avec sa voiture il bloque toute la route c'est le pauvre Gauri derrière il klaxonne, ça y est, si c'est pas un arbi, il va sortir, il va lui casser le pare-brise. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam, crois que la route il est à nous. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de ne pas, de donner le droit à la route, à l'islam. Et des fois, on se met, tu vois des gens, même d'un certain âge, des jeunes et tout ça, ils se mettent sur le trottoir. Et t'as des femmes, ils arrivent avec la poussette, ils ont, et la femme est obligée de descendre. Subhanallah. Et où sommes-nous les enseignements du prophète? Et tu vois le mal sur la route, tu peux rien faire. Sauve-toi de là. Parce que fait partie des droits de la route, c'est de blâmer le mal. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, dans ce qui est rapporté par Abu Daoud et par Tirmidhi, le plus noble des jihad, des combats sur le sentier de Allah, c'est une parole véridique qui est dite chez un gouverneur tyran, injuste. Mais attention, cette parole qui est dite chez un sultan ou là chez un gouverneur tyran, n'est pas dite en public, ni sur une manbar d'une mosquée, ni dans les journaux. C'est entre toi et lui, si tu es capable. C'est ce que te dicte la sunna. وإلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر et d'autres preuves qui prouvent qu'il est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. يقول وفي هذه المصيبة أعني الدراسة عند أهل البدع تعطيل لهذا الأمر الشرعي والواجب الديني. Il dit et dans cette catastrophe qui est le fait d'étudier chez les gens de l'innovation, il y a le fait de anéantir cet ordre et de mettre de côté cet ordre de la législation et cette obligation religieuse. Il dit Darisu inda ahli al-bid'a la yakhlu min amrayn, car celui qui étudie chez les gens de l'innovation, il est dans deux cas de figure. Imma an yakuna mu'taqidan ma ya'taqiduhu mudarrisuhu min al-bid'a fayakun mubtadi' mithl mudarrisihi wa imma an yakuna ghayra mu'taqidin ma ya'taqiduhu mudarrisuhu min al-bid'a wad-dalal fayakun muqirran bi hadha al-munkar al-'azim alladhi huwa al-bid'a. Il dit hafidhahullah ta'ala, car celui qui étudie chez les gens de l'innovation, il n'est pas épargné de deux cas. Le premier cas, soit il a les mêmes croyances que l'innovateur qui lui enseigne, ou alors il ne croit pas les croyances qu'il a son innovateur dans l'innovation. Parmi les croyances de l'égarement, etc. Il dit, mais il approuve ce mal dans lequel, en s'asseyant avec devant lui à apprendre, tu approuves ce mal. Et donc, tu approuves cette innovation. Et oui, le fait de blâmer le mal. Hein? فنسال سبحانه وتعالى ان تثبتنا واياكم فالله سبحانه وتعالى جعلنا واياكم الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله لكم جزاكم الله خيرا